Bonjour et merci d'être toujours fidèle à l'Histoire en podcast sur notre série Les Mérovingiens, grandeur et décadence. Alors, nous allons continuer sur Dagobert et nous allons voir en quoi, alors après avoir entendu les témoins de l'accusation, nous allons entendre les témoins de la défense. Nous allons écouter donc la défense. Dagobert était aussi un grand roi. Alors ça, malgré tout, son père peut aussi en témoigner. D'abord parce qu'il a été battu à plate couture par son propre fils en 628, au moment où il essayait d'annexer l'Austrasie, trouvant que l'Austrasie était en train de lui échapper, mais aussi parce qu'il avait associé son fils au conseil royal dès l'âge de 18 ans, en 623. Trouvant qu'il avait des prédispositions exceptionnelles pour pouvoir gouverner, et puis il avait donc confié à 23 ans l'Austrasie à son fils, qui avait donc dirigé l'Austrasie en véritable monarque. Il était très bien conseillé, il faut le dire. Alors, on pourrait aussi laisser la parole à ses ennemis. Les Austrasiens ont eu affaire à un véritable roi, alors même quand il était roi d'Austrasie, à quelqu'un qui était vraiment là, qui avait du répondant, et qui se laissait pas autant manipuler que Clotaire II de son vivant par les chantages des grands d'Austrasie qui jouaient toujours sur l'absence de légitimité, le particularisme austrasien, qui voulait toujours être traité un peu différemment, avoir un roi à eux. Pour montrer leur mépris à l'égard de ces Austrasiens, Dagobert d'ailleurs ne va pas hésiter à leur désigner son fils Sigebert, qu'il a eu donc de façon adultère, et qui va leur donner en fait comme roi. Donc c'est une façon pour Dagobert, qui lui ne supporte pas, finalement, considère que l'illégitimité filiale doit conduire automatiquement à l'illégitimité royale, eh bien, c'est pour Dagobert une façon de montrer son mépris à l'égard de ce particularisme austrasien. Au point d'ailleurs que les Austrasiens, très embarrassés par le fait de se retrouver avec un roi issu d'une union illégitime, vont inventer une petite légende sur le fait qu'au moment du baptême de Sigebert, alors que l'enfant a 4 mois, le prêtre vient de prononcer la formule sacramentelle. Et l'assistance refuse de répondre Amen, qui est le terme qu'il faut prononcer. Et parce que justement, l'assistance est un peu embarrassée, n'a pas envie d'approuver par cette prononciation du mot Amen. Eh bien, cette situation, ce roi illégitime, parce que né d'une relation illégitime, eh bien, l'enfant, qui ne sait pas encore parler, répond Amen. Miracle. Cela implique obligatoirement que l'enfant qui est né adultère est légitimé par son baptême, en réalité. Il naît, ce qui est intéressant, ça montre en réalité que finalement la naissance spirituelle, la naissance au royaume de Dieu, devient plus importante que la naissance simplement biologique. Et on voit bien là-dedans la montée en puissance de l'Église et son exercice. L'exercice qu'elle de la magistrature morale qu'elle exerce. Bon. Donc, de ce point de vue-là, les Austrasiens ont affaire à un véritable roi qui n'hésite pas à les écraser. Et puis, il faut aussi savoir que Dagobert a des très bons conseillers militaires, mais aussi il est un très bon chef de guerre. Et il va réaliser un exploit absolument remarquable, c'est qu'il va être capable de soumettre le peuple breton et le fameux roi Judicaël, qui est peut-être aussi un des rois qui a inspiré la légende arthurienne plus tard. Eh bien, il va vaincre les Bretons et il va vaincre les Gascons, qui sont absolument incontrôlables, que Caribert avait déjà réussi un petit peu à mater, mais sans vraiment de succès, et que Dagobert va réussir à complètement écrasés. Ils vont d'ailleurs faire leur soumission, l'un au palais de Clichy, d'autres dans un palais plus sur les bords de Lyon. Alors, il va aussi se battre contre un autre ennemi intérieur, ce sont les grands du royaume, qu'ils soient Neustriens, Burgondes ou Austrasiens. Ces grands veulent régir leur seigneurie comme des empereurs, sans que personne leur dise quoi que ce soit. Ils veulent ignorer en réalité la personne du roi. Alors il va essayer de court-circuiter leur pouvoir en multipliant les privilèges reconnus à des individus, clercs ou laïcs. Il va donc reconnaître des privilèges. C'est le cas d'ailleurs des immunistes. Alors ces immunistes sont des clercs ou des laïcs qui se voient reconnaître en réalité le privilège individuel attaché à leur personne de répondre, finalement de juger en réalité des délits et des délits en réalité de faible importance directement au nom du roi, sans être contrôlé par un grand seigneur. Dès que le délit devient plus important, dès qu'il s'agit d'un crime, alors à ce moment-là, le comte, qui est plutôt lui soumis au seigneur, va pouvoir juger du cas d'espèce. Alors ça, c'est une des stratégies que Dagobert a trouvées, développer les immunistes, développer en réalité les privilèges individuels qui rattachent en réalité certains individus et même quelquefois certains groupes au roi directement. Il va aussi étoffer en réalité sa garde de leudes. Les leudes, ce sont donc des seigneurs qui tiennent leur terre directement du roi. Donc plus il y a de leudes, plus il y a d'hommes qui sont inféodés, qui répondent directement au roi. De leur fait et geste. Et puis il va aussi déployer une stratégie pour essayer de mater un peu cette autre catégorie d'ennemis en réalité de l'intérieur que sont les princes de l'Église. Parce que on a vu que l'Église, dans certaines régions, pouvait commencer à brasser des millions grâce à l'entrée d'impôts aux recettes fiscales. Et donc, Dagobert veut, au fond, connaître très, très précisément quels sont les biens détenus par ces abbayes, ces monastères, ces évêchés, ces paroisses, tous ces biens d'église. Et il commence un travail colossal de recensement systématique de tous ces biens d'église. Et il les inscrit en réalité sur le registre du fisc royal. C'est un travail considérable qui sera d'ailleurs à moitié, achevé à la fin de son règne. Parce que ça implique évidemment des équipes de juristes, des équipes d'inspecteurs considérables, et ça demande énormément de travail. Mais grâce à ce travail méticuleux, il va pouvoir quand même récupérer pas mal d'argent de ces véritables centres de profit que sont les monastères. Il va d'ailleurs aussi utiliser. Il va aussi d'ailleurs. Utiliser ces monastères et même permettre les fondations de monastères, en imposant d'ailleurs à ces monastères une véritable stratégie d'aménagement du territoire dont il fixe les principes. Et grâce à quoi il permet ainsi de mieux répartir la circulation des richesses dans son royaume et de développer les territoires. Au quotidien, Dagobert est connu pour être quelqu'un plutôt qui regarde à la dépense. Il faut savoir que son dernier maire du palais, Ega, était considéré, qui était un homme affable et courtois, était considéré comme plutôt avare. Donc voilà, ça c'est le dernier. Alors le dernier argument qui plaide en faveur finalement, du fait que Dagobert était un bon roi, on pourrait dire un argument machiavélien, pas machiavélique, mais machiavélien. Machiavel, au XVIe siècle, reconnaît que la vertu essentielle du prince, c'est de savoir s'entourer de sages conseillers. Et Dagobert, sur ce chapitre, est exemplaire, en ce sens qu'il est très bien entouré. Quand il était roi d'Austrasie, il a eu deux remarquables conseillers qui étaient Pépin de Landen, ainsi que Arnulf, qui est ensuite devenu le Saint-Évêque, Saint-Arnulf de Metz, et qui a été son précepteur. Et puis, lorsqu'il est devenu donc roi de l'intégralité du Regnum Francorum, il a récupéré en réalité les conseillers politiques de son père, les ministres de son père, qui étaient donc Éloi et Ouen, et il les a confirmés, et même il les a fait monter en grade, puisqu'il a fait de Éloi, qui est ensuite devenu célèbre sous le nom de Saint-Éloi, son grand argentier, c'est-à-dire le ministre des Finances, de l'économie et des Finances, et il a fait aussi de Ouen son référendaire, c'est-à-dire en été celui qui est en charge de la rédaction et de la diffusion de tous les textes de loi. C'est un petit peu le Premier ministre aujourd'hui. Eh bien, donc ce sont deux personnes tout à fait remarquables qui ont ensuite, Saint-Éloi a continué, donc après la mort de Dagobert, a été évêque de Nyon et de Noyon, pardon. Il a été évêque de Noyon et il a, à partir de là, il a commencé à faire tout un travail d'évangélisation de la Flandre, tout à fait remarquable. Saint-Ouen, lui, est devenu ensuite évêque de Rouen et il a aussi fait tout un travail d'évangélisation de la Normandie avec Philibert, qui était le père abbé de l'énorme abbaye de Jumièges, en Haute-Normandie. Alors, donc, il a été très bien entouré et il savait reconnaître en réalité les talents des personnes qui pouvaient l'aider dans son travail de roi. Et là-dessus, il partage cette compétence avec le roi Louis XIV, d'ailleurs. Enfin, et ça, c'est une qualité qui a été remarquée par les moines de Saint-Denis, qui ont été d'ailleurs ses bénéficiaires. Les premiers bénéficiaires ont été des largesses royales, puisque Dagobert avait envie de se faire enterrer près de Saint-Denis, dans la basilique du même nom, pour une histoire de dévotion personnelle qu'il avait à l'égard de ce premier évêque de Paris. Alors, les moines de Saint-Denis, eux, ont gardé du souvenir de ce roi, finalement un roi humble et pieux. Pieux et humble. Pieux et humble, pieux, puisqu'il a couvert d'or, évidemment, la basilique Saint-Denis, à cause d'une dévotion qu'il avait à l'égard de Saint-Denis. Et puis humble, parce que dans l'exercice de sa fonction royale, il connaissait bien ses limites. Il avait l'exemple devant lui de remarquables ministres qui étaient de véritables saints de leur vivant. Et évidemment, il avait des raisons de s'inquiéter pour l'avenir de son âme. Il était très inquiet d'ailleurs d'être damné et faisait extrêmement confiance à l'intercession de Saint-Denis ainsi que de Saint-Éloi et ainsi que des moines de l'abbaye de Saint-Denis. Il espérait que leur prière puisse lui permettre d'éviter de mourir damné. D'ailleurs, la légende du moine Jean, qui voit en réalité l'âme du roi partir en barque sur la Méditerranée et se faire emporter dans les enfers par les démons, jusqu'au moment où des anges descendus du ciel viennent le tirer de cette situation tragique. Cette scène, donc, cette légende est d'ailleurs dessinée, enfin, est d'ailleurs représentée dans un bas-relief sur son tombeau à Saint-Denis, eh bien, laisserait entendre que, finalement, Dagobert aurait été au courant que son âme pourrait être sauvée s'il faisait confiance dans l'intercession des saints. Là aussi, nous voyons d'ailleurs la prédominance, la magistrature morale qu'exerce l'Église à cette époque. Et c'est pour ça aussi que nous pouvons conclure, dans une certaine mesure, si nous prenons cette vision, finalement, la question de l'âme de Dagobert, est-ce qu'il a sauvé son âme, est-ce que ça... Eh bien, on peut dire que, dans une certaine mesure, Dagobert a été un bon roi, puisque aujourd'hui, Dagobert fait partie des bienheureux. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais c'est le chroniqueur de la chronique de Frédéguer qui affirme que si Dagobert a été un homme pécheur, qui a fait pas mal de choses mal, eh bien on est à peu près sûr qu'il est au ciel. Voilà. Mais donc Dagobert, bon ou mauvais roi, eh bien pour un homme d'Église, Dagobert est un bon roi, mais pour l'historien d'aujourd'hui, sachant que l'histoire est ingrate, Dagobert est un roi. Eh bien, reste un roi. Mais la question est de savoir s'il est vraiment un bon roi. L'histoire est en général plutôt ingrate. Merci et à bientôt.